Les éditions de l'avenir présentent Les aventures de l'estrade, agent très spécial par Christian Martin. Il parcourt toute la galaxie en quête du scélérat. Il affronte les bandes de malfrats en roi du pugilat. Il déteste les congés payés. Ce qu'il aime, c'est l'action. C'est pourquoi il est rassuré quand il voit son patron. L'estrade, agent spécial. Il jubile, il frémit de joie quand il voit son patron. Ramène toujours la rançon. Cinquième épisode, la fifille du ministre. Dans les précédents épisodes, l'estrade, agent très spécial, est chargé de retrouver la fille du ministre des Finances de Trajan, qui a été enlevée en plein astroport devant plusieurs témoins. Son unique piste, la signature du propulseur du yacht ayant servi au ravisseur, le conduit à l'usine spatiale d'Issub, où il apprend que ce type de propulseur n'est vendu qu'aux chantiers spatiaux de Lubdox. Les s'y rend donc. Avec l'aide de Gus, il apprend que le yacht ayant servi au kidnapping appartient au comte Ratula, un habitant de la planète Gueuse. Après avoir visité le Sanguin, le yacht spatial incriminé, et y avoir trouvé la preuve que la victime a bien voyagé à son bord, Les rend une petite visite officielle au comte afin de lui demander quelques éclaircissements, de laquelle il ne tire rien. Il décide alors de faire le tour des bars et bistrots de la ceinture portuaire dans l'espoir de trouver quelqu'un qui a vu quelque chose. Après plusieurs heures, il déniche son client. Malheureusement, celui-ci est complètement ivre et ne peut donner aucun détail. Les entreprend alors de le ramener au coup de peau. En route, il est attaqué par quatre hommes munis de longs couteaux qui le laissent en piètre état au fond d'une ruelle. Après avoir repris conscience, Les découvre sur les lieux de son agression un manifeste d'embarquement au nom de Samisso. Ce dernier s'avère être un de ses assaillants et lui révèle un indice qui l'incite à rendre une nouvelle visite, clandestine celle-là, au comte Ratula. Pour une visite clandestine au comte Ratula, il vaut mieux ne pas garer le glisseur devant la porte principale. Selon le plan d'Ourmanie que m'a fourni Gus, en effectuant un large détour, on parvient derrière la propriété du comte. Ah, nous y voilà. La carte ne mentait pas. Une forêt marquant la limite de la ville s'étend juste à droite de la route. Je vais y camoufler le glisseur et effectuer le reste du trajet à pied. Surtout, ne pas oublier de prendre le sac contenant mon équipement. Avec tout le feuillage, l'appareil n'est pas visible de la route. Il le sera encore moins du haut des murs de la propriété du comte. Allons-y. La muraille ceignant la propriété du comte. Crash ! Elle est plus haute que dans mon souvenir. Je devrais pourtant la franchir. Et la présence des deux gorilles qui déambulent le long du chemin de ronde ne me facilitera pas les choses. Je les observe depuis un petit moment et je commence à connaître leur manège. Ils parcourent le chemin de ronde, se croisent au centre, échange quelques paroles, ainsi qu'une gorgée d'un liquide sans doute alcoolisé, puis poursuivent jusqu'au bout du tronçon où ils discourent un instant avec les gardes chargés de veiller sur les tronçons adjacents. Militairement, ils font ensuite demi-tour et reprennent leur ronde. ma meilleure chance pour franchir ce mur réside au moment où ils se trouvent à chaque extrémité du tronçon à palabrer avec leurs collègues. Il me faudra sérieusement minuter la manœuvre. Mais d'abord, boucler ma ceinture anti-G. Ce gadget ne permet pas de voler à proprement parler, mais il neutralise partiellement la force de gravité. Je peux ainsi effectuer des bonds prodigieux. Mon paralysant, il vaut mieux l'avoir à portée de la main. Les prochaines minutes risquent d'être chaudes. Sur mon front, le bandeau qui aveuglera électroniquement toutes les caméras dans un rayon de 10 mètres. Évidemment, cela semblera bizarre aux gens du manoir, mais avec un peu de chance, on conclura à une panne du système. Où en sont mes deux vautours? Ils arrivent en position. Ça va être le moment. Maintenant! J'ai atterri sur le rebord du parapet. Vite, accroupir, ouf! Juste à temps. Les deux vautours reviennent dans ma direction. Ils vont passer tout près. Si mes doigts n'étaient pas aussi occupés à me maintenir sur le rebord étroit du parapet, j'en croiserais bien quelques-uns dans l'espoir insensé que les gardes ne m'aperçoivent pas. Encore un coup? Pas de refus! À tantôt, Pato. À plus tard, gros lard! Par double 07, patron des espions, ces deux crétins sont complètement aveugles. J'étais juste sous leur nez. Mais ce n'est pas tout, ça. Profitons qu'ils ont tous deux le dos tourné pour me glisser de l'autre côté du chemin de ronde. Et maintenant, le grand plongeon. Aïe, oui, ah ! Crash, évidemment. Je n'aurais pas pu atterrir ailleurs que dans un buisson d'épineux. Quel boucan ! La position est plutôt inconfortable, mais patientons encore. Le temps de m'assurer si les deux vautours m'ont repéré. Pas de cri d'alerte, pas de sirène hurlante, je suis béni des dieux. Non seulement les deux vilains oiseaux sont-ils aveugles, mais en plus, ils sont sourds. Et maintenant, m'enfoncer dans le boisé du parc du comte. Chauve-souris espion, elle me survole. M'aurait-elle repéré? Sûrement pas. Je porte mon trench anti-radar. Ouf. Ah, elle s'éloigne. L'oreille du bois. Devant moi, un chemin en gravier, une vaste étendue de pelouse et, tout là-bas, l'arrière d'un édifice, d'une aile appartenant au manoir. Le tout brillamment éclairé. Toute cette distance à découvert, c'est de la folie. Et pourtant, il n'y a apparemment aucune patrouille sur le terrain. J'imagine que le comte trouve cette précaution tout à fait inutile. Comment l'en blâmer d'ailleurs? Avec la muraille autour du parc, arpentée par les vautours, les caméras qui décorent les arbres sur tout le périmètre et les chauves-souris espions, Sans la ceinture en tigé, le bandeau et mon trench anti-radar, il y aurait déjà un bail que je n'attendrai plus la visite du réparateur d'Holovision. Tiens, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Une trappe ? On dirait une extension derrière l'annexe du manoir. Je ne l'avais pas remarqué d'abord, mais en y regardant de plus près, elle contraste avec le vert de la pelouse. C'est ma chance. Mon billet d'entrée dans le manoir. Une centaine de mètres à peine m'en sépare. Personne à gauche, personne à droite. Ouh, ouh, ouh, ouh. Voyons un peu ce qui protège cette trappe. Vieux cadenas rouillé ? Crash ! Là-bas, les vautours se baladent avec des radiants lasers et ici, on se contente de défendre une des entrées du manoir avec un cadenas d'un autre âge. Incroyable ! La micro-torche fera le travail. Jetons un coup d'œil à l'intérieur. La marche est haute. Mais avec ma ceinture anti-jet, la chute ne causera aucun problème. Cet endroit ne semble guère avoir d'autres occupants que les araignées. Si je me fie au nombre impressionnant de toiles qu'il occupe... Ah, là-bas, un couloir éclairé. Et tout à fait propre. Voilà qui est étrange. Un champ stérilisateur sépare la partie occupée par les araignées de celle-ci, ce qui explique la propreté impeccable de ce couloir. Ses parois sont métalliques et... immaculé. Je me demande à quoi peut servir cette section du manoir du comte. Elle n'a rien en commun avec les pièces du rez-de-chaussée dont le décor donne le tournis. Ça mérite d'être exploré. Une porte ? Une pièce vide, sauf pour ses fioles sur une grande table. Voyons un peu. Quel peut être le contenu des fioles ? Aldéhyde formique. L'étiquette de celle-ci indique protoxyde d'azote. Et là, les somnifères ? Par 007, qui donc dans cette bicoque peut avoir besoin d'anesthésiant, de formol et de somnifères ? Et surtout, à quoi et à qui les destine-t-on ? Je n'aime pas ça. Voyons ailleurs. Une deuxième porte. Étrange. Cette pièce contient une douzaine de caissons dans lesquels je pourrais prendre place avec un certain confort. Apparemment, ce bouton permet l'ouverture du caisson. On dirait un lit. Ou... un cercueil ? Crash, vite ! Vérifiez les autres caissons. Ouf, vide. Tous vides. Heureusement, j'ai craint un instant d'y trouver la fille du ministre. Bon, ce n'est pas tout ça. Poursuivons les recherches. Et derrière cette troisième porte, on trouve roulement de tambour. Crash ! Cette pièce est une salle d'examen conventionnelle. Mais ce n'est pas ce qui me rend gaga. Sur la table, Narcha Laval, nue, sanglée, ce qu'elle est pâle. Tiens, voilà qui est étrange. La porte ne s'est pas refermée derrière moi. Mais occupons-nous d'abord de notre kidnappée. Elle paraît souffrante. J'espère que ce n'est pas trop sérieux. Son pouls. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Deux minuscules plaies dans son cou? Une morsure? Non. Non. Par 007. Est-ce moi qui la terrorise ainsi? Non. Crash! Il y a quelqu'un derrière moi. Monsieur Strad. Monsieur le comte, une djellaba fleurie? Très mauvais choix de garde-robe, à mon avis. Question de goût, mon cher. Allez, lâchez votre arme. Vous n'auriez pas le temps de tirer avant que je ne vous atomise. Je m'interroge. Que faites-vous ici? Du tourisme, mon cher comte. On m'a dit beaucoup de bien de vos caves. On y meurt avec raffinement, paraît-il. Je vois que vous vous intéressez à ma charmante invitée. En effet, il y a déjà un moment que je la cherchais. Oui, je sais. Je suis désolé d'avoir dû vous lancer sur une fausse piste. De toute évidence, cela n'a pas suffi puisque vous voici. Et Miss Val, comment expliquez-vous sa présence? Une nécessité, Monsieur Strad. Une question de santé. J'ai dû adopter un régime à base d'hémoglobine de première qualité. Malheureusement, en cette époque dépravée, il est bien difficile de s'en procurer. Il faut parfois user de moyens peu conventionnels. Vous en conviendrez. Et vous, vous conviendrez de ceci. Ah! Ah! Vous regretterez cette attaque sur ma personne, Monsieur Strad. Que cherchez-vous donc à faire? À m'embrasser? Il serait peut-être utile que je vous précise mon orientation sexuelle, mon cher comte. Vous n'y êtes pas, Monsieur Strad. Vos lèvres ne m'intéressent pas. C'est votre cou que je désire. Je me demande quel goût peut avoir votre sang. Ne comptez pas sur moi pour vous offrir une dégustation. Comme si vous aviez le choix. Ah ! Ah ! C'est ça que d'avoir les dents trop longues. On finit par se les faire casser. Ah ! Ah ! Allez, debout, qu'on en finisse. Ah ! Ah ! Vraiment ? Vous ne voulez pas d'un troisième round? Très bien, mais ne venez pas dire ensuite que je ne vous en ai pas donné l'occasion. J'ai un témoin. Vous permettez? Je déteste laisser traîner les armes. Ça fait mal propre. Narshala, mon nom est Lestrade. Je suis là pour vous aider. C'est votre père qui m'envoie. Laissez-moi vous aider à vous redresser. Voilà, vous grelottez. Oui, évidemment dans cette tenue. Avant de sortir d'ici, il faut résoudre ce petit problème. Attendez-moi un instant. Désolé, mon vieux. Ce n'est pas que j'ai une dent contre vous, mais vous conviendrez qu'il serait indécent de faire traverser la ville à la petite demoiselle dans sa présente tenue. Vous lui prêterez bien votre djellaba. De toute façon, ce sera plus saillant sur elle que sur vous. Venez. Je vais devoir refermer la porte manuellement. Apparemment, cette pièce est munie de détecteurs de mouvement qui désactivent la fermeture automatique de la porte. Et maintenant, grillez le circuit d'ouverture, au cas où le comte sortirait de sa léthargie. Ça ira, Tnarshala ? Vous grelottez encore. Vous pouvez m'appeler Tna. Tout le monde m'appelle Tna. Et oui, ça ira. D'accord, Tna. Restez près de moi et je nous sortirai d'ici. C'est plus vite dit que fait, mais je ne vais tout de même pas communiquer mes doutes. Où va-t-on ? Par là. Pourquoi ? Je cherche un escalier, un ascenseur, un turbolift, un moyen quelconque de gagner l'étage. Vous n'en connaîtriez pas un, par hasard? Non, désolé, je ne connais pas les lieux. On m'a endormi à l'astroport de Trajan et je me suis réveillée dans la pièce où vous m'avez trouvée. Mais pourquoi ne pas passer par où vous êtes venu? Impossible. J'ai sauté dans les caves par une trappe à l'arrière du manoir. Et il n'y a pas d'escalier ou d'échelle pour ressortir. Une salle encombrée d'où partent trois nouveaux couloirs. De quel côté ? À droite. Je n'en peux plus. D'accord, faisons une pause. De toute façon, à première vue, on dirait un cul-de-sac. Par double 07. Où diable le comte a-t-il caché son issue vers l'étage ? Nous rencontrons des portes et des couloirs transversaux en quantité, mais rien qui ressemblât de près ou de loin à un moyen de quitter ces maudites caves. Regardons d'un peu plus près où nous avons abouti. De toute évidence, nous sommes dans une section nettement plus ancienne du manoir du comte. Les murs et le sol métallique ont fait place à des surfaces de pierre taillées en bloc. L'éclairage est beaucoup plus faible. Cette pièce semble plutôt vaste et ronde. Crash ! Voilà ce que je redoutais depuis le début. Quelqu'un a déclenché l'alarme. Venez, il faut trouver une issue ! J'ai trouvé, Lef. Quoi ? Un monte-charge. Bien joué. Allez, montez. Restez là. Je vais voir où nous avons abouti et je reviens. Que double 07 bénisse cette âme charitable qui a enfin songé à couper l'alarme. À première vue, on dirait un entrepôt. Si je me fie aux boîtes qu'on a empilées à proximité, ou peut-être un garage. Un garage pour cet étrange tracteur au capot levé. Ah, derrière cette haie de bidons, une porte. Étrange. Impossible de sortir le tracteur par ce trou de souris. Il sera suffisant toutefois pour nous permettre à Tna et à moi de quitter les lieux. Voyons un peu ce qui se cache derrière. Doucement. Crash, des gardes, une dizaine. Ne restons pas là. Qu'est-ce qui se passe ? Notre fuite est coupée par une colonie de Mérinos. Allons voir plus haut. Crash, nous n'avons pas rencontré d'étage depuis que nous avons quitté celui où se trouvait le drôle de tracteur. Ce n'est pas normal. Où diable va-t-on émerger ? Sur les toits ? Où sommes-nous ? Chut ! Le monte-charge s'est arrêté de lui-même dans cette pièce minuscule. Et là, tout près, 5 marches qui s'élèvent jusqu'à cette large trappe. Essayons de la soulever. Oh, crash ! Plus lourde qu'elle n'y paraît. Ah ! Elle bouge, un petit effort. Les mains en l'air ! J'ai la trappe au bout des bras. Difficile d'avoir les mains plus en l'air que ça. Silence ! Montez ! Ah, je m'en doutais. Nous avons émergé au sommet d'une des deux tours jouxtant le manoir du comte. On a une belle vue d'ici. À la ferme. Tanil, tu m'entends ? Je t'entends, Léon. J'ai les fuyards. Quoi ? Amène-toi ! Je tiens les fuyards sous la menace de mon arme, je te dis. C'est maintenant ou jamais. Ah ! Laisse ces copains quitter la tour jumelle, ils se sont déjà engagés sur la passerelle. Grouillez-vous, ils vont arriver. Elle en a de bonnes, la petite. T'es à ma merci maintenant. Je vais commencer par t'étrangler, puis je te viderai ton sang. Tu faiblis, je te sens mollir sous mes mains. Laisse, j'ai bien cru un instant qu'il vous avait vaincu. Ah, comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Allez, venez. Ce n'est pas le moment de s'attarder. Passez vos bras autour de mon cou et accrochez-vous solidement. Qu'allez-vous faire ? Sautez ! Sautez ? Halt ! Arrêtez ! Pas trop de casse ? Vous êtes complètement dingue. Probable. Nous en discuterons plus tard. Venez. Sonnez l'alarme. Ne les laissez pas s'échapper. Là, le gros véhicule noir. Montez. Allez, démarrez. Qu'est-ce que vous attendez ? Il y a des types armés qui sortent du manoir. Je voudrais bien vous y voir. Ce machin doit dater de la préhistoire. Ah, j'y suis. J'avais oublié la porte blindée qui garde la propriété. Pas question que la petite retombe entre les mains de ces vampires. C'est à qui tout double que se jouera le dernier acte. Que faites-vous ? Vous êtes fous ! Vous allez nous tuer ! Ils se décident enfin. Ils ouvrent la porte. Passera, passera pas. Ça va être juste. Ça va être très juste. Ça va être... trop juste. Nous sommes passés. Laisse, nous sommes passés. En effet, mais tout n'est pas joué. Dans les rues étroites d'Ourmani, la puissance du moteur de ce gros véhicule ne nous servira à rien. Au contraire, les petites voiturettes de nos poursuivants auront l'avantage. L'aube se lève. Et devant, Ourmani. Déjà ? Oui. À la vitesse où nous fonçons, ce n'est pas très surprenant. Crash. Matinaux, les Ourmaniens. Ils envahissent déjà les rues avec leurs chariots et pousse-pousse en tout genre. Je ne veux pas vous presser, mais les gardes du comte sont sur le point de nous rattraper. Oui, je m'en doute, mais impossible d'accélérer sans risquer de transformer en crêpes tous ces gueusois. Là, à droite, un pont, il nous fera quitter la ville. Entendu. On semble avoir semé nos poursuivants. Pour le moment. Crash ! Bravo, vous avez trouvé votre permis de conduire dans une boîte de céréales. Si je n'avais pas été attachée à mon siège, je serais sans doute en train de bouffer des pâquerettes dans le... champ qui s'étend devant nous. Ouais, c'est ce que j'essaie de vous dire. La route se termine en cul-de-sac. Et ce bâtiment, partiellement à cheval sur la rivière, est probablement un moulin. C'est beau, les études. Qu'est-ce qu'on fait ? Impossible de revenir en arrière, à cause des hommes du comte qui nous recherchent. Il faudra donc improviser, ma chère. Venez. La galerie semble faire le tour du moulin. Pas de fenêtre en façade pour jeter un regard à l'intérieur. Il y a toujours la porte. Fermée, évidemment. Pourquoi la chance m'aurait-elle soudain souri ? Peine perdue, c'est du solide cette porte. Laisse, venez voir, j'ai trouvé quelque chose. Regardez ! Intéressant. Voyons un peu cet esquif. Avec le courant tumultueux de cette rivière, nous serons ballottés comme du blé dans l'estomac d'un sauteur. Sans savoir si cette coquille de noix prend l'eau. Mais on n'a pas trop le choix, j'imagine. Ça semble assez solide. Montez. Bien assise ? Alors, tenez-vous bien. Et c'est parti. Ça brasse, ça secoue. Et l'embarcation prend rapidement de la vitesse. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait que l'eau bout près de l'esquif. Par double 07, on nous tire dessus au thermoradiant. Na, baissez-vous, on nous tire dessus. Ouf, nous sommes hors de portée. Malheureusement, maintenant que les hommes du comte nous ont retrouvés, ils ne nous lâcheront plus. Voilà qu'ils confirment. Les voiturettes s'engagent justement sur la route longeant la rivière. Laisse-nous couler. Quoi ? Les éditions de l'avenir vous ont présenté le 5e épisode de l'Estrade, agent très spécial par Christian Martin, la fifille du ministre, avec Christophe dans le rôle de l'Estrade, Florence dans le rôle de Tnarche Laval, Aldor dans le rôle du comte Ratula, Patrice dans le rôle du garde numéro 1, Gabriel Jean dans le rôle du garde numéro 2, Blast dans le rôle du garde numéro 3, Déode, et Mario Fecto dans le rôle du garde numéro 4, Danil. Dans le prochain épisode, Les et Narchala échapperont-ils à leur poursuivant? Ne manquez pas nos précédentes productions et celles en cours. Visitez l'avenir-audio.canalblog.com. L'histoire et les personnages appartiennent à leur auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons et est une production 2010 des éditions de l'Avenir. Votre présentateur, Christian Martin. Merci de votre attention. À bientôt.